Ah, je n'en doute point, c'est votre époux, madame, c'est Hector qui produit ce miracle en votre âme. Il veut que Troie encore se puisse relever avec cet heureux fils qu'il vous fait conserver. Pyrrhus vous l'a promis, vous venez de l'entendre. Madame, il n'attendait qu'un mot pour vous le rendre. Croyez en ces transports, père, sceptre, allié. Content de votre cœur, il met tout à vos pieds. Sur lui, sur tout son peuple, il vous rend souveraine. Est-ce là ce vainqueur digne de tant de haine? Déjà contre les Grecs, plein d'un noble courroux, le soin de votre fils le touche autant que vous. Il prévient leur fureur, il lui laisse sa garde. Pour ne pas l'exposer, lui-même il se hasarde. Mais tout s'apprête au temple, et vous avez promis. Oui, je m'y trouverai. Mais allons voir mon fils. Madame, qui vous presse? Il suffit que sa vue, désormais à vos yeux, ne soit plus défendue. Vous lui pourrez bientôt prodiguer vos bontés, et vos embrassements ne seront plus comptés. Quel plaisir d'élever un enfant qu'on voit craître, non plus comme un esclave élevé pour son maître, mais pour voir avec lui renaître tant de rois. Ses fils, allons le voir pour la dernière fois. Que dites-vous? Oh, Dieu! Oh, ma chère Céphise, ce n'est point avec toi que mon cœur se déguise. Ta foi dans mon malheur s'est montrée à mes yeux, mais j'ai cru qu'à mon tour, tu me connaissais mieux. Quoi donc? As-tu pensé qu'Andromaque infidèle put trahir un époux qui croit revivre en elle, et que de tant de morts réveillant la douleur, le soin de mon repos me fit troubler le leur? Est-ce là cette ardeur tant promise à sa cendre? Mais son fils périssait, il l'a fallu défendre. Pyrrhus, en m'épousant, s'en déclare l'appui. Il suffit, je veux bien m'en reposer sur lui. Je sais quel est Pyrrhus. Violent mais sincère, ses fils, il fera plus qu'il n'a promis de faire. Sur le courroux des Grecs je m'en repose encore. Leur haine va donner un père au fils d'Hector. Je vais donc, puisqu'il faut que je me sacrifie, assurer à Pyrrhus le reste de ma vie. Je vais, en recevant sa foi sur les autels, l'engager à mon fils par des nœuds immortels. Mais aussitôt ma main, à moi seule funeste, d'une infidèle vie, abrégera le reste, et sauvant ma vertu, rendra ce que je dois à Pyrrhus, à mon fils, à mon époux, à moi. Voilà de mon amour l'innocent stratagème. Voilà ce qu'un époux m'a commandé lui-même. J'irai seul rejoindre Hector et mes aïeux. Ses fils, c'est à toi de me fermer les yeux. Ah, ne prétendez pas que je puisse survivre. Non, non, je te défends, ses fils, de me suivre. Je confie à tes soins mon unique trésor. Si tu vivais pour moi, vis pour le fils d'Hector. De l'espoir des Troyens seul dépositaire, songe à combien de rois tu deviens nécessaire. Veille auprès de Pyrrhus, fais-lui garder sa foi, s'il le faut, je consens qu'on lui parle de moi. Fais-lui valoir l'hymen où je me suis rangé, dis-lui qu'avant ma mort je lui fus engagé, que ses ressentiments doivent être effacés, qu'en lui laissant mon fils, c'est l'estimer assez. Fais connaître à mon fils les héros de sa race. Autant que tu pourras, conduis-le sur leurs traces. Dis-lui par quels exploits leurs noms ont éclaté, plutôt ce qu'ils ont fait que ce qu'ils ont été. Parle-lui tous les jours des vertus de son père, et quelquefois aussi parle-lui de sa mère. Mais qu'il ne songe plus, ses fils, à nous venger. Nous lui laissons un maître, il le doit ménager. Qu'il ait de ses aïeux un souvenir modeste, il est du sang d'Hector, mais il en est le reste, et pour ce reste, enfin, j'ai moi-même, en un jour, sacrifié mon sang, ma haine et mon amour. Hélas! Ne me suis point si ton cœur en alarme prévoit qu'il ne pourra commander à tes larmes. On vient, cache tes pleurs, Céphise, et souviens-toi que le sort d'Andromaque est commis à ta foi. C'est Hermione. Allons, fuyons sa violence. Non, je ne puis assez admirer ce silence. Vous vous taisez, madame, et ce cruel mépris n'a pas du moindre trouble agité vos esprits? Vous soutenez en paix une si rude attaque, vous qu'on voyait frémir au seul nom d'Andromaque, vous qui sans désespoir ne pouviez endurer que Pyrrhus d'un regard l'a voulu honorer. Il l'épouse, il lui donne, avec son diadème, la foi que vous venez de recevoir vous-même. Et votre bouche encore, muette à tant d'ennui, n'a pas daigné s'ouvrir pour se plaindre de lui. Ah, que je crains, madame, un calme si funeste, et qu'il vaudrait bien mieux. Fais-tu venir Oreste ? Il vient, madame, il vient, et vous pouvez juger que bientôt à vos pieds il allait se ranger, prêt à servir toujours, sans espoir de salaire. Vos yeux ne sont que trop assurés de lui plaire. Mais il entre. Ah, madame, est-il vrai qu'une fois, Oreste, en vous cherchant, obéisse à vos lois? Ne m'a-t-on point flatté d'une fausse espérance? Avez-vous, en effet, souhaité ma présence? Croirais-je que vos yeux, à la fin désarmés, veulent... Je veux savoir, Seigneur, si vous m'aimez. Si je vous aime? Ô Dieu, mes serments, mes parjures, ma fuite, mon retour, mes respects, mes injures, mon désespoir, mes yeux de pleurs toujours noyés, quels témoins croirez-vous si vous ne les croyez? Vengez-moi, je crois tout! Eh bien, allons, madame, mettons encore un coup toute la Grèce en flamme. Prenons, en signalant mon bras et votre nom, vous la place d'Hélène, et moi d'Agamemnon. De Troie en ce pays, réveillons les misères, et qu'on parle de nous ainsi que de nos pères. Partons, je suis tout prêt. Non, Seigneur, demeurons. Je ne veux pas si loin porter de tels affronts. Quoi, de mes ennemis couronnant l'insolence, j'irai attendre ailleurs une lente vengeance, et je m'en remettrai au destin des combats qui peut-être à la fin ne me vengerait pas. Je veux qu'à mon départ toutes les pires pleurent, mais si vous me vengez, vengez-moi dans une heure. Tous vos retardements sont pour moi des refus. Courez au temple, il faut immoler. Qui ? Pyrrhus. Pyrrhus, madame ? Et quoi ? Votre haine chancelle ? Ah, courez et craignez que je ne vous rappelle. N'alléguez point des droits que je veux oublier, et ce n'est pas à vous à le justifier. Moi, je l'excuserai. Ah, vos bontés, madame, ont gravé trop avant ces crimes dans mon âme. Vengeons-nous, j'y consens, mais par d'autres chemins. Soyons ses ennemis et non ses assassins. Faisons de sa ruine une juste conquête. Quoi, pour réponse aux Grecs, porterai-je sa tête? Et n'ai-je pris sur moi le soin de tout l'État que pour m'en acquitter par un assassinat? Souffrez au nom des dieux que la Grèce s'explique et qu'il meure chargé de la haine publique. Souvenez-vous qu'il règne et qu'un front couronné... Ne vous suffit-il pas que je l'ai condamné? Ne vous suffit-il pas que ma gloire offensée demande une victime à moi seule adressée? Qu'Hermione est le prix d'un tyran opprimé, que je le hais enfin, Seigneur, que je l'aimais? Je ne m'en cache point, l'ingrat m'avait su plaire, soit qu'ainsi l'ordonna mon amour ou mon père, n'importe. Mais enfin, réglez-vous là-dessus. Malgré mes vœux, Seigneur, honteusement déçus, malgré la juste horreur que son crime me donne, tant qu'il vivra, craignez que je ne lui pardonne. Doutez jusqu'à sa mort d'un courroux incertain. S'il ne meurt aujourd'hui, je puis l'aimer demain. Eh bien, il faut le perdre, et prévenir sa grâce, il faut. Mais cependant, que faut-il que je fasse? Comment puis-je sitôt servir votre courroux? Quel chemin jusqu'à lui peut conduire mes coups? À peine suis-je encore arrivé dans l'Épire. Vous voulez par mes mains renverser un empire. Vous voulez qu'un roi meure, et pour son châtiment, vous ne donnez qu'un jour, qu'une heure, qu'un moment. Aux yeux de tout son peuple, il faut que je l'opprime. Laissez-moi vers l'autel conduire ma victime. Je ne m'en défends plus, et je ne veux qu'aller reconnaître la place où je dois l'immoler. Cette nuit, je vous sers. Cette nuit, je l'attaque. Mais cependant, ce jour, il épouse Andromaque. Dans le temple déjà, le trône était levé. Ma honte est confirmée et son crime achevé. Enfin, qu'attendez-vous? Il vous offre sa tête. Sans garde, sans défense, il marche à cette fête. Autour du fils d'Hector, il les fait tous ranger. Il s'abandonne au bras qui me voudra venger. Voulez-vous malgré lui prendre soin de sa vie? Armez avec vos Grecs tous ceux qui m'ont suivi. Soulevez vos amis, tous les miens sont à vous. Il me trahit, vous trompe et nous méprise tous. Mais quoi? Déjà leur reine est égale à la mienne, elle épargne à regret l'époux d'une Troyenne. Parlez, mon ennemi ne vous peut échapper, ou plutôt il ne faut que les laisser frapper. Conduisez ou suivez une fureur si belle, revenez tout couvert du sang de l'infidèle. Allez, en cet état, soyez sûr de mon cœur. Mais madame, songez. Ah, c'en est trop, seigneur. Tant de raisonnements offensent ma colère. J'ai voulu vous donner les moyens de me plaire, rendre au reste content, mais enfin je vois bien qu'il veut toujours se plaindre et ne mériter rien. Partez, allez ailleurs vanter votre constance et me laissez ici le soin de ma vengeance. De mes lâches bontés, mon courage est confus et c'est trop en un jour essuyé de refus. Je m'en vais seul au temple où leur hymen s'apprête, où vous n'osez aller mériter ma conquête. Là, de mon ennemi, je saurai m'approcher, je percerai le cœur que je n'ai pu toucher. Et mes sanglantes mains, sur moi-même tournées, aussitôt malgré lui, joindront nos destinées. Et tout ingrat qu'il est, il me sera plus doux de mourir avec lui que de vivre avec vous. Non, je vous priverai de ce plaisir funeste, madame. Il ne mourra que de la main d'Oreste. Vos ennemis par moi vont vous être immolés, et vous reconnaîtrez mes soins, si vous voulez. Allez, de votre sort, laissez-moi la conduite. Et que tous vos vaisseaux soient prêts pour notre fuite. Vous vous perdez, madame, et vous devez songer. Que je me perde ou non, je songe à me venger. Je ne sais même encore quoi qu'il m'ait pu promettre sur d'autres que sur moi si je dois m'en remettre. Pyrrhus n'est pas coupable à ses yeux comme aux miens, et je tiendrai mes coups bien plus sûrs que les siens. Quel plaisir de venger moi-même mon injure, de retirer mon bras teint du sang du parjure, et pour rendre sa peine et mes plaisirs plus grands, de cacher ma rivale à ses regards mourants. Ainsi du moins Oreste, en punissant son crime, lui laissait le regret de mourir ma victime. Va le trouver, dis-lui qu'il apprenne à l'ingrat, qu'on l'immole à ma haine et non pas à l'état. Cher Cléon, cours, ma vengeance est perdue s'il ignore en mourant que c'est moi qui le tue. Je vous obéirai. Mais qu'est-ce que je vois? Oh Dieu, qui l'aurait cru, madame? C'est le roi. Vous ne m'attendiez pas, madame, et je vois bien que mon abord ici trouble votre entretien. Je ne viens point armé d'un indigne artifice, d'un voile d'équité, couvrir mon injustice. Il suffit que mon cœur me condamne tout bas, et je soutiendrai mal ce que je ne crois pas. J'épouse une Troyenne, oui, madame, et j'avoue que je vous ai promis la foi que je lui voue. Un autre vous dirait que dans les champs troyens, nos deux pères, sans nous, formèrent ces liens, et que, sans consulter ni mon choix ni le vôtre, nous fûmes sans amour engagés l'un à l'autre. Mais c'est assez pour moi que je me sois soumis. Par mes ambassadeurs, mon cœur vous fut promis. Loin de les révoquer, je voulus y souscrire, je vous vis avec eux arriver en épire, et quoique d'un autre œil l'éclat victorieux eût déjà prévenu le pouvoir de vos yeux, je ne m'arrêtai point à cette ardeur nouvelle, je voulus m'obstiner à vous être fidèle. Je vous reçus en reine, et jusque à ce jour j'ai cru que mes serments me tiendraient lieu d'amour, mais cet amour l'emporte, et par un coup funeste, Andromaque m'arrache un cœur qu'elle déteste. L'un par l'autre entraînés, nous courons à l'autel, nous jurer, malgré nous, un amour immortel. Après cela, madame, éclatez contre un traître qu'il est avec douleur et qui pourtant veut l'être. Pour moi, loin de contraindre un si juste courroux, il me soulagera peut-être autant que vous. Donnez-moi tous les noms destinés aux parjures. Je crains votre silence, et non pas vos injures. Et mon cœur, soulevant mille secrets témoins, m'en dira d'autant plus que vous m'en direz moins. Seigneur, dans cet aveu dépouillé d'artifice, j'aime à voir que du moins vous vous rendiez justice, et que voulant bien rompre un nœud si solennel, vous vous abandonniez au crime en criminel. Est-il juste après tout qu'un conquérant s'abaisse sous la servile loi de garder sa promesse? Non, non, la perfidie a de quoi vous tenter, et vous ne me cherchez que pour vous en vanter. Quoi, sans que ni serment ni devoir vous retiennent, rechercher une grecque, amant d'une troyenne? Me quitter, me reprendre et retourner encore de la fille d'Hélène à la veuve d'Hector? Couronner tour à tour l'esclave et la princesse, immoler Troie aux Grecs, au fils d'Hector la Grèce? Tout cela part d'un cœur toujours maître de soi, d'un héros qui n'est point esclave de sa foi. Pour plaire à votre épouse, il vous faudrait peut-être prodiguer les doux noms de parjure et de traître. Vous veniez de mon front observer la pâleur pour aller dans ses bras rire de ma douleur. Pleurant après son char, vous voulez qu'on me voie, mais seigneur, en un jour ce serait trop de joie. Et sans chercher ailleurs des titres empruntés, ne vous suffit-il pas de ceux que vous portez? Du vieux père d'Hector, la valeur abattue, au pied de sa famille expirant à sa vue, tandis que dans son sein, votre bras enfoncé cherche un reste de sang que l'âge avait glacé. Dans des ruisseaux de sang, trois ardentes plongées, de votre propre main, Polyxène égorgée, aux yeux de tous les Grecs indignés contre vous, que peut-on refuser à ces généreux coups? Madame, je sais trop à quels excès de rage la vengeance d'Hélène emporta mon courage. Je puis me plaindre à vous du sang que j'ai versé, mais enfin je consens d'oublier le passé. Je rends grâces au ciel que votre indifférence de mes heureux soupirs m'apprenne l'innocence. Mon cœur, je le vois bien, trop prompt à se gêner, devait mieux vous connaître et mieux s'examiner. Mes remords vous faisaient une injure mortelle. Il faut se croire aimé pour se croire infidèle. Vous ne prétendiez point m'arrêter dans vos fers. J'ai craint de vous trahir. Peut-être je vous sers. Nos cœurs n'étaient point faits, dépendants l'un de l'autre. Je suivais mon devoir, et vous cédiez au vôtre. Rien ne vous engageait à m'aimer, en effet. Je ne t'ai point aimé, cruelle? Qu'ai-je donc fait? J'ai dédaigné pour toi les vœux de tous nos princes. Je t'ai cherché moi-même au fond de tes provinces. J'y suis encore malgré tes infidélités et malgré tous mes Grecs honteux de mes bontés. Je leur ai commandé de cacher mon injure. J'attendais en secret le retour d'un parjure. J'ai cru que, tôt ou tard, à ton devoir rendu, tu me rapporterais un cœur qui m'était dû. Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle? Et même en ce moment où ta bouche cruelle vient si tranquillement m'annoncer le trépas, ingrat, je doute encore si je ne t'aime pas. Mais Seigneur, s'il le faut, si le ciel en colère réserve à d'autres yeux la gloire de vous plaire, achevez votre hymen, j'y consens, mais du moins ne forcez pas mes yeux d'en être les témoins. Pour la dernière fois, je vous parle peut-être, différez-le d'un jour, demain vous serez maître. Vous ne répondez point ? Perfide, je le vois, tu comptes les moments que tu perds avec moi. Ton cœur impatient de revoir ta Troyenne ne souffre qu'à regret qu'une autre t'entretienne. Tu lui parles du cœur, tu la cherches des yeux. Je ne te retiens plus, sauve-toi de ces lieux. Va lui jurer la foi que tu m'avais jurée, va profaner des dieux la majesté sacrée. Ces dieux, ces justes dieux, n'auront pas oublié que les mêmes serments avec moi t'ont lié. Porte au pied des autels ce cœur qui m'abandonne. Va, cours, mais crains encore d'y trouver Hermione. Seigneur, vous entendez. Gardez de négliger une amante en fureur qui cherche à se venger. Elle n'est en ces lieux que trop bien appuyée. La querelle des Grecs à la sienne est liée. Au reste, elle aime encore, et peut-être à ce prix... Andromaque m'attend. Phénix garde son fils. Thank you.